ثم قال في السؤال الحادي عشر خمسمائة سسوزن كيستيون، من هو الصحابي الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة اليهود؟ Il dit qui est le compagnon à qui le Nabi صلى الله عليه وسلم a ordonné d'apprendre la langue des Juifs. Et c'est Zayd ibn Thabit. وتعلمها في سبعة عشر يوما qu'il a appris en 17 jours. Allahu Akbar. Parmi les miracles des sahabas, la baraka qu'il y avait en eux. Car le Nabi صلى الله عليه وسلم lui a dit Tursinu Suraniya innaha ta'tini kutub. Il lui a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم est-ce que tu connais Surayaniya? Asuraniya, c'est la langue des juifs à l'époque. Je crois pas que c'est les mots à la base, c'est Ibraniya. Allahu a'lam. Quand il le dit, j'ai dit mes lettres qui me parviennent des juifs, mais on ne comprend pas leur langue. Et là, Thabit le dit non, je ne la connais pas la langue. Fa'nabi sallallahu alayhi wa sallam, fata'allamaha. Donc apprends-la. Fata'allamaha fi sabat ashara yawm, qu'il a appris en 17 jours. Qu'il a appris en 17 jours. Donc là, c'est parmi les preuves que les gens disent. Car parfois on a entendu que les Sahaba se sont rendus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont appris auprès de lui un hadith, deux hadiths. Ils sont restés peu de temps avec lui. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a renvoyés vers leur peuple pour faire da'wah. Et de là, des gens, comme les Ashab al-Jama'at al-Tablir, se servent de ces hadiths-là pour dire vous, vous prétendez qu'il faut apprendre et kaza et kaza. Des Sahaba ont appris un hadith et sont repartis, ils ont fait da'wah. Donc pourquoi vous nous blâmez pour cela? D'accord? Pourquoi vous nous blâmez pour cela? De là, les ulama disent que les Sahaba, à leur époque, avaient une baraka du fait d'avoir pris le ilm du Nabi sallallahu alayhi wa sallam directement. Le fait d'avoir pris le ilm du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et les Sahaba avaient une compréhension que nous n'avions pas, nous. C'était leur langue. D'accord? Donc cela n'était pas pareil. Et ils ont dit, pour cela, parmi les preuves, c'est que Thabit, Zayd ibn Thabit, a appris cette langue en 17 jours. En 17 jours, qui c'est qui a pris une langue en 17 jours à notre époque? C'est une chose qui n'est pas possible à notre époque. Donc en 17 jours, il a appris et il a maîtrisé cette langue. Il est parti au milieu de ces gens-là, il les écoutait, il lisait leurs livres et au final, Allah l'a wafaq pour qu'ils puissent connaître leur langue. Donc la da'wah du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une baraka dedans, ce n'est pas la même qu'aujourd'hui. Regardez par exemple ces sahaba qui ont pris beaucoup en peu de temps. Parmi eux, Mathalène, Abu Huraira, comme on l'a cité, en trois ans, est devenu le compagnon qui est le plus mémorisé de l'ahadith, ou plutôt, qui a rapporté le plus de l'ahadith. Plus de 5000 hadiths, en l'espace de 5 ans. Enfin, de 3 ans, en fait. Donc, ne pas prendre cela comme étant un argument pour dire qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi, parce qu'on a entendu un hadith, pour ça, on fait d'avoir qu'on l'ouche, sabidillah. Tout comme également, on dit qu'il ne faut pas exagérer sur les gens lorsqu'ils disent qu'ils n'ont jamais étudié comment ils font da'wah. On dit qu'il y a des choses que les gens n'ont pas appris auprès des ulama, n'ont pas voyagé, mais qui sont des choses qu'ils ont assimilées, qui sont assez simples à comprendre, qu'ils ont maîtrisées, qui sont en mesure de donner à autrui lorsqu'ils les interrogent ou en cercle privé. On ne dit pas qu'ils fassent une da'wah officielle, ouverte, qu'ils prennent un masjid, qu'ils fassent des sorties pour la da'wah, qu'ils fassent des muhadara, des khutbah. C'est pas ça qu'on parle. Par exemple, il peut des fois prendre un petit livre et l'ouvrir avec des frères et leur expliquer, sans trop s'éparpiller, ma falaine. Mais il ne faut pas non plus qu'après par la suite, les frères exagèrent sur sa personne et le mettent comme étant point de retour pour eux. C'est un ta'awun, une entraide. Ce n'est pas pourtant que ce frère-là devient un derrière référentiel vers qui on revient. D'accord? C'est un frère, par exemple, qui parle arabe, il est en mesure de prendre un livre simple, dont il a lu l'explication, il l'a traduit à ses frères. Mais il ne faut pas exagérer sur sa personne par la suite. Ne pas oublier que c'est quelqu'un qui n'a pas étudié à la base. Au point de l'élever, et qu'après les frères écoutent tout ce qu'ils disent, ou on voit tout le monde vers lui, on ne pose pas de questions. Ce n'est pas ça. Ou demande des fatawa. Ce n'est pas ça également. Tout comme ce frère-là, il répond aux questions qu'il connaît. On le dit souvent, demain, même un nouveau converti, il a appris une chose, par exemple. Ses parents l'interrogent pour cette chose-là. Il leur répond. Il ne va pas dire, moi je ne connais pas, je me suis converti il y a une semaine, je ne peux pas vous répondre. S'il a entendu la réponse d'un autre frère qui l'a fait profiter, il la donne. Il la donne, il n'y a pas de problème par rapport à cela. C'est là, il prend pour notre affaire. Pas d'exagération dans le domaine et pas de négligence non plus. D'accord? Ah non.